Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la pâte de lapin? Alors là, non. Avec des mots simples. Tu peux pas? Non. Bon, bah tant pis. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchorman does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 27, nous allons vous parler de Mission Impossible 3, Mission Impossible 3, sorti en 2006, réalisé par J.J. Abrams, où Tom Cruise joue le rôle de Ethan Hunt pour la troisième fois, du coup. Alors Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film? Oh oui. Moult fois? Moult fois. Moult fois. Peut-être deux fois. C'est tout? Ouais. Ouais, c'est faible. Je me rappelais pas mal des choses, ouais. Ok. Ça m'avait pas trop marqué. Ok. Tu étais contente de le revoir? Ouais. Ouais, c'est Mission Impossible. C'est Mission Impossible, donc toujours un peu content. Il n'y a pas trop de mal là-dedans. Et toi? Et moi, je l'avais déjà vu plusieurs fois. Et c'est pas un secret que c'est celui que j'aime le moins. Ouais. Donc. T'étais pas content. Bon, justement, j'étais super impatient de le revoir. Parce que comme c'est celui que je revois le moins, je me suis dit, est-ce que j'ai pas une vision un peu faussée de la chose? Est-ce que c'est vraiment le Mission Impossible que j'aime le moins? Donc, d'accord. On pourra en parler après. Très bien. Allez, on résume ça. On va résumer ça comment? Alors, on va essayer de faire ça au mieux. Mais ça va être genre menace terroriste, masque, cascade, escalade et... Italien. Et Italie. Ah oui, et oui. Épisode super classe parce que c'est l'Italie. Allez Serena, à toi. Alors, on commence notre film avec du noir, qui fait Paramount Pictures. Ah, c'est important. C'est important. Non, mais parce que dans les noirs, on entend un coup de pistolet. Ah oui, c'est vrai. Et on voit Tom Cruise ligoté à une chaise avec des bleus, du sang sur les visages. Philip Seymour Hoffman qui est contre lui, je sais pas comment dire, mais en face, quoi. On comprend tout de suite que c'est le méchant. Et en gros, il dit « C'est où la pâte des lapins ?» La fameuse. La fameuse pâte des lapins. Et Tom Cruise, c'est la pâte des lapins, mais je te l'ai donnée. C'est quoi ce délire? Je compterai jusqu'à 10 et après je vais buter ta femme. Et on se rend compte qu'il y a sa femme ligotée avec du scotch sur les visages et en face de Tom Cruise. Tom Cruise, il essaie d'abord de le raisonner, de dire non, mais je te l'ai donnée. Je peux te trouver tout ce que tu veux, s'il te plaît, laisse-la. Et après, pendant que les décomptes continuent, il dit non, mais elle est à Paris, elle est à Paris. Il dit non, c'est pas vrai, elle est pas à Paris. Elle est où la pâte des lapins? 9. Je sais pas, je vais te tuer. 10. Boum. Il tire sur la femme. 4. Mission Impossible 3. Tom Cruise. On est dans une maison américaine, assez banlieue. Ouais. Tom Cruise parle avec sa femme. On comprend qu'on est dans le passé, du coup. Il a un chien, c'est la soirée, la fête des fiançailles. Donc, ils sont fiancés. Donc là, tous les copains arrivent. Tout le monde veut connaître Tom Cruise. Il dit qu'il travaille pour le ministère des Transports de Virginie ou un truc comme ça. Voilà, un truc comme ça. Il raconte du pipeau. Tout le monde rigole, du champagne, merci. Ben. Les femmes le trouvent merveilleux, les hommes sont jaloux. Dring, dring, coup de téléphone. Bonjour, vous êtes monsieur étonnante? Oui. Vous avez gagné un voyage gratuit au Mexique. Merde. Allez. Boulot. Donc il dit, je dois aller chercher de la glace au casino. À l'épicerie. Je ne sais pas s'ils ont des casinos. Non, c'est 7-Eleven. Ah oui, c'est un 7-Eleven. Tout à fait. Il va là-bas, il trouve son chef, il fait semblant de faire des courses. Son chef lui dit en gros qu'il y a un agent, Faris, qui est une jeune recrute de l'IMF, de l'AMF, et qui a disparu et qu'ils ont besoin de la retrouver et qu'ils ont besoin de lui. Et voilà. Oui, elle est à Berlin et il faut qu'il l'exfiltre. Qu'elle a sauve. Oui, enfin, qu'il la récupère. Il lui laisse, donc Tom Cruise, il n'est pas content parce qu'on comprend qu'il a arrêté. Oui, et maintenant il fait instructeur. Mais puisque cette Faris, c'est une nana qui l'avait recrutée, bon, il a des doutes. Et le monsieur Musgrave, le chef là, il lui laisse un appareil photo jetable. Un petit Kodak. Qu'il va récupérer, il regarde dedans, il scanne son iris, gna gna gna. Les détails de la mission, les collègues, tout ça. Il lui explique que Faris, donc Lindsay Faris, a disparu parce qu'elle indaguait sur Owen Davian, un grand trafiquant du marché noir, dont on ne peut pas savoir plus que ça. Et elle a été capturée. Elle est hyper importante pour découvrir plus sur cet homme. Donc, il faut aller la chercher. L'équipe est déjà formée. Donc, il y a Declan Gormley, Zen Lee, qui est la fouine, celle qui va voler les choses. Fouine. Et Luther Stickel. Ah, yeah, Luther, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Luther. Love, love. Donc, les geeks hyper forts, trop stylés. Ah, t'as vraiment mis des petits cœurs à côté de Luther, oui, sur tes notes. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, il est là. Ah, je pensais pas que t'avais autant d'amour pour Luther. Ah, je l'aime beaucoup. Donc, là, après 5 secondes, pouf, fumée, la caméra, normal. Les messages disparaissent. Donc, il va voir sa femme, il dit, j'ai oublié, je dois partir un jour pour le travail. Donc, on comprend qu'elle, elle sait absolument rien de sa vie d'avant. Donc, il retrouve l'équipe, il met en place une mission de ouf malade pour rattraper la nana avec à coup de camionnette avec 50 mitraillettes qui vont tirer sur un bâtiment à Berlin. C'est une espèce de grande usine en banlieue de Berlin. La fouine, donc Zen Lee, qui met des bombes de partout, qui doit récupérer des ordi hyper importants. L'autre gars, Declan, qui conduit l'avion. Italant, bien sûr, qui fait des cascades de ouf malades, qui va dedans. Il récupère la fille, tout le monde. Ils arrivent à rattraper, monter dans l'hélicoptère. Et elle lui dit, coupe ton émetteur, parce que je dois dire un truc hyper important. Mais il n'y a pas le temps, il y a des attaques de tous les côtés. Il rentre dans l'hélicoptère après des cascades magnifiques. Et la nana fait « Ah, ma tête ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Donc, il a un scanner du cerveau. C'est pratique dans son hélicoptère, il met un scanner. Et il découvre qu'elle a une bombe qui est dans son cerveau. De la taille d'un Smarties. Ouais, une toute petite bombe. Donc, il dit, il faut la... Avec les défibrillateurs, on va la... Il veut la tuer pour la faire revivre. En gros, il veut la faire un arrêt cardiaque pour la bombe, elle est désactivée. Après, il faut la ramener à la vie. Il charge les défibrillateurs, mais il manque 30 secondes. Ouais. Et la nana, elle a mal. Elle dit, Ethan, je dois te dire quelque chose. Elle a mal. Morte. Avec, ça fait pouf. Et elle a les deux yeux qui partent chacun de son côté. Boum, c'est trop rigolo. C'est horrible. Enfin, c'est un peu moche. Et il paraît qu'en vrai, c'était à la base, ça devait être encore plus crade que ça. Mais ils se sont dit, bon, on va peut-être se calmer. Pas suffit. Ouais. Donc, ils sont tous... L'équipe est dépitée. Un peu. Ils se retrouvent à la base IMF. Il y a une enquête sur Ethan Hunt, les chefs, les grands chefs. Donc, il y a Brassel, qui est les big chefs. Et après, Laurence, il y a... Laurence Fishburne. Et après, Brassel. Il y a Musgrave, qui est celui qu'on a déjà vu. Qui est le chef d'équipe. Les chefs d'équipe. Et Brassel, il n'est pas content. Il dit, vous avez mal fait, vous avez perdu notre machin. Bref, l'opération était horrible. Et puis c'est louche, parce que comme c'était une de vos élèves... Enfin, vous avez dit qu'elle était prête, alors qu'elle s'est fait capturer. C'était hyper dangereux, donc vous êtes... Mais Musgrave le défend. Oui, Musgrave le défend. Musgrave fait partie du côté... Enfin, il défend Hunt dans ce truc-là, dans cette accusation-là. Ils vont à l'enterrement de la... De Lindsay Faris. Donc, souvenir de Tom Cruise qu'elle entraîne et tout ça. Bon, on s'en fout, mais il l'a fait. Avec des petites images surimprimées. C'est machin. Trop horrible. Et il reçoit un coup d'appel à l'enterrement qui lui dit on est en boîte, pas en boîte, on est la poste. en gros. Ah oui, vous avez reçu et un colis. Vous avez reçu une carte postale de Lindsay Faris. Donc, il va récupérer. C'est une carte postale, il n'y a rien écrit. Et il découvre derrière les timbres un mini truc noir. Ouais, on dirait un grain de poussière. Ouais, un petit caillou. Ok. Ça, c'est un truc d'espion, ça, on peut pas comprendre. On sait pas. Toi, tu vois ça sur un timbre, tu le dis, bon, oh, c'est sale. Et, et tu le jettes. Non, en fait, non. Ça a l'air super important. Donc, ils vont voir les tech guys, les techniciens de l'IMF. Mais qui est ce technicien? Simon Pegg. Simon Pegg, c'est Benjamin Dunn qui va être... Benji, il est fameux Benji. Voilà. C'est la première fois qu'on voit Benji dans la... Parce dans la mission possible. On le verra beaucoup. Il y sera beaucoup plus par la suite. Qui a récupéré les deux ordinateurs que la Fouine a volé à Berlin. C'est plus bizarre quand tu l'appelles la Fouine à Mais chaque fois. Mais ça s'appelle la Fouine. On l'appelle la Fouine. Ah, Fouine. C'est son nom de code. Oui, ah, oui c'est son pour nom ça de que code. Je me demandais pourquoi tu n'arrêtais pas de l'appeler la Fouine. Non, elle s'appelle... Oui, c'est vrai. Et je crois que j'avais la traduction canadienne et c'était la marmotte. Ah, je te jure. Ah ouais. À un moment, j'étais là, c'est bizarre parce qu'il y avait faucon ou phénix pour le pilote. Et il y avait marmotte. Il y avait prédateur. C'était Ethan Hunt, prédateur. Et elle, c'était marmotte. Et du coup, ça m'avait fait rire. Ah, c'est marrant. Du coup, toi, c'était la Fouine. La Fouine. Ouais. Appelons-la la Fouine. Et donc, Simon Pegg, il dit j'ai récupéré quelques informations de ces ordinateurs. On sait que Davian, donc le grand méchant, il sera après-demain au Vatican pour faire une transaction autour d'une patte de lapin, oui, non c'est un code, nom de code, qui va lui rapporter 850 millions de dollars. Donc c'est un truc un peu dangereux. Avec 850 millions de dollars, tu fais beaucoup de films. Beaucoup de films. Tout à fait. 4. Attends, ouais, un bon paquet. Ah, tu t'en fais au moins 4. Donc Tom Cruise dit, tu as dit à quelqu'un d'autre cette information? Non. Ok, tu le gardes pour toi. Il reconstitue l'équipe avec Luther, Zhang Li, donc la Fouine. Et Declan. Et Declan. Et pour aller... non seulement capturer Davian au Vatican, mais aussi capturer les acheteurs. Oui, intercepter pour pouvoir repérer qui sont les acheteurs et tout. Parce ça. Parce que c'est les grands méchants de l'histoire. Ouais. Donc, truc des ouf malades. Encore un plan. Il s'habille en camionneur italien, il parle italien, il bloque une route en Italie, ils se font insulter par les Italiens, il monte dans les murs, il rentre, il s'est habillé en prêtre. Zhang Li, elle rentre super classe parce que c'est un dîner de gala. Donc, elle arrive super classe, l'autre, il est déguisé en policier. Bref, ils arrivent à voir Damien. Davian. Zhang Li, le photographe avec son petit miroir, elle fait semblant de se maquiller, en fait, elle photographe. Ils peuvent reconstituer son visage avec imprimante 3D. Ouais, c'est ça. C'est la première fois qu'on voit comment ils font les masques. Les masques. À chaque fois, il y a toujours 20 000 masques, on ne sait jamais comment ils font. Et là, en fait. Et là, on le voit. Donc, ils préparent les masques. Tom Cruise, il met les masques. Ils font en sorte de se retrouver au même endroit, aux toilettes, avec Davian, par tout un série des subterfuges, il les capture. Il lui fait lire un poème pour capter sa voix, pour pouvoir lui avoir un petit patch et imiter la voix de Davian. Voilà. Parce qu'il a le Donc masque, mais il n'a pas aussi. La voix. Et on voit ça aussi. Et ça prend du temps. Tout et ça. Après, il répare avec. Du coup, Zhang Li. Oui. Il dit bon, en fait qu'elle le drague à moitié. Voilà, il se fait passer pour Davian en sortant des toilettes, tout ça, pendant que Declan a embarqué le vrai Davian. Il repart avec Zhang Li, il rentre dans une. Avec la voiture avec qui ils sont partis, il s'arrête au milieu de la route, il descend dans une bouche d'égout au-dessous de la voiture et ils font exploser la voiture. Donc voilà. Tout le monde croit que Davian, il est mort. Oui. Donc, ils sont répartis avec Davian. Il le réveille, ils sont dans un hélicoptère, il est ligoté. Il lui dit c'est quoi la pâte des lapins? C'est qui les acheteurs? Il commence un peu à le questionner. Davian, il lâche rien. C'est le super méchant badass, laisse tomber. Il dit comment vous appelez, Davian? Et Tanant, il répond pas, bien sûr. Comment vous appelez? De toute façon, moi, je vais découvrir si vous avez une femme, je vais la tuer devant vous. Non, même, je vais vous tuer devant elle, elle créera votre nom et ce sera un mort horrible, blablabla, il le menace. Vous vous rappelez comme votre copine, on a mis une bombe dans son cerveau, elle est morte. Italanti pète un câble, il le prend, il ouvre l'avion. Il ouvre la soute de l'avion, donc il le fait plonger dans le vide, accroché juste à des... Allez, aux ceintures de sécurité, enfin voilà. Des sangles. Et il les coupe une à une. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est la pâte de lapin? Et Luther, Love Love, arrive et dit hey, t'en arrête, c'est pas toi ça, tu dois pas faire ça, il nous est utile. Donc, oui. Ethan, ouais. Après, Luther, là, il est en train de niquer la torture, quoi. Parce que si t'es en train de dire il faut pas que tu le tortures, l'autre, il sait que et ça ouais. va jamais aller au bout. C'est un peu nul. Et oui, c'est un peu nul. Enfin, il travaille d'équipe moyen. Et en plus, David, du coup, Ethan, il le récupère. Et Damien, il dit la patte de lapin, c'est le moindre de tes problèmes. Ethan. Mais comment tu connais son nom ? Et parce que c'est Luther qui l'a dit. Et parce que Luther, il dit Ethan, ouais, arrête. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, c'est foutu. Donc, ok, d'accord. Il prend. Il amène, en fait, vers l'IMF. Et en fait, il avait filé la micro, oui, la petite les grains de poussière, le message de Faris à des gars de la des technologies, et il découvre que c'était aux micro-images et qu'il y avait un message pour Ethan Hunt. Donc Lindsay dit dans les micro-images, il le voit là à ce moment, et il dit j'ai découvert que Davian avait des échanges téléphoniques avec Brassel, donc le big chef de l'IMF. Et donc, tu dois pas avoir confiance à ces gars parce que il m'a vendu, c'est lui qui m'a vendu, c'est sûr. Donc, Ethan, il est un peu inquiet et il est en train de transporter Davian. Coup de bombe. Il y a des milices qui arrivent sur un pont avec plein de civils. Ça explose de partout, il saute par-dessus un trou. Ouais. Enfin, il libère Davian. Avec mousse qui défonce toutes les parois. Donc, bon, ils font un truc de ouf. Davian, il répare un hélicoptère. Et Ethan, il flippe sa race parce qu'il connaît son nom. Donc, il appelle directement à la maison de chez sa femme, chez lui. Et dit, il y a Julia là. Et il y a son beau-frère qui lui répond, ah non, elle n'est pas là, mais il y a ton pote anglais là qui m'a demandé. Elle l'a cherché aussi. Je lui ai dit qu'elle était à l'hôpital. Merde! Ah, super. Donc, allez, cours à l'hôpital. Tom Cruise court à l'hôpital, mais il s'est fait rattraper par l'IMF, oui. Qui dit, vous avez fait n'importe quoi, on doit vous arrêter parce que vous avez fait cette opération secrète avec capturer Davian. Oui, alors qu'ils ne devaient pas la faire. Oui, ils ne devaient pas la faire. Donc, il arrête. Et pendant ce temps-là, l'homme de main de Davian... Il est en train d'aller chercher Julia. Donc... Tom. Ah oui, non, il a kidnappé Julia. Oui, Julia est kidnappée et Tom Cruise en le poursuivant. Il se fait arrêter par les collègues de l'AMF. Et en fait, même avant, Davian appelle Tom en disant si tu m'amènes pas la patte des lapins dans 48 heures, je bute ta femme. Il s'est fait arrêter par l'IMF. Brassel lui dit, j'ai pas confiance en toi. C'est bizarre. Tu as eu... En gros, il le suspecte que c'est lui qui est de mèche avec Davian. Oui. Il l'accuse de mèche avec Davian. Donc, il ligote à un lit. Muselière. Bizarre. Et il le met dans une pièce avec des vitres. Musgrave, donc son pote, il lui dit, ouais, je suis pas très content de vous. Ça va pas du tout. Pas bien. Et en même temps, au labial... Il lui dit, en gros, j'ai intercepté ton appel avec Davian, tu dois aller sauver ta femme, récupérer la patte des lapins, tiens. Et il lui donne un couteau. Tom Cruise, il arrive à se libérer, bien sûr. Il tue tous les gardes dans qui étaient en train de le surveiller. Il va, du coup, il sait qu'il doit aller à Shanghai, il avait rendez-vous à Shanghai. C'est ça, non ? Non, il doit récupérer la patte des lapins, bah oui. D'abord. Pardon, après Shanghai. Bah, aller à Shanghai. La patte de lapin. Ah mince, je ne me rappelle plus. Attends, je regarde juste. Ah oui, bien sûr. La patte de lapin à Shanghai. Et la femme aussi. Oui, tout le monde est à Shanghai. Tout le monde est à Shanghai. Du coup, j'ai envie de dire, allons à Shanghai. Ouais, il va à Shanghai. Et toute l'équipe, donc Luther, La Fouine et l'anglais, arrivent. Et en mode, ok, on va t'aider. Vas-y. On a bien vu que c'était la On merde, a compris, Musgrave nous a dit, on va t'aider à sauver ta femme. Ok. Il trouve un moyen de ouf malade pour récupérer la patte des lapins avec un balancier d'un bâtiment à un autre pour faire une cascade sur un toit glissant en verre où il s'accroche à la dernière minute. Il rentre dedans. C'est marrant parce que c'est encore une fois, il faut qu'il rentre dans un bâtiment sécurisé. Et encore une fois... par où on rentre? Bon, on va rentrer par le toit. C'est un peu la troisième fois qu'il fait le coup. À chaque fois qu'il y a un bâtiment, il rentre par le toit. Donc, Pour les petite info pour les prochains méchants de Mission Impossible, renforcez vos toits. Oui, grave. Ethan Hunt ne passe que par les toits. Oui, c'est vrai. Donc, ça sert à rien, les bas. Le bas, on s'en fout. Vous pouvez ouvrir la porte d'en bas, il ne viendra pas. C'est cool. Fermez les toits. Donc, il se bascule sur les toits. Il arrive à rentrer, mais on ne voit pas à l'intérieur. On est dans la voiture avec oui. La fouine et... Ouais, ça, c'est rigolo. L'anglais. L'anglais, on va l'appeler l'anglais. Et on entend « J'ai la patte des lapins vite, il faut y aller tout de suite !» Donc, ils vont essayer de le rattraper, il perd la patte des lapins dans les trafics, Il passe sous un camion, enfin, plein de cascades. C'est plein vrai de cascades. Sur les résumés, les cascades, on vous laisse en profiter parce que c'est pas très marrant à raconter. Donc, ils récupèrent la patte des lapins et ils vont, ils appellent Davian en disant, à la dernière seconde possible, en disant, j'ai la patte des lapins, donnez-moi un rendez-vous quelque part. Il lui donne rendez-vous, il va au rendez-vous. Il y a une limousine des ouf malade qui l'attend. Il rentre dans la limousine et il y a les deux bras droits de Davian qui disent, buvez et ne posez pas des questions. Donc, il boit un espèce de liquide noir et il s'endort. Il se réveille. Et on est à la scène... La scène qu'on a eue au tout début. Du film. Donc, face à sa femme, qui est ligotée, Davian qui compte jusqu'à 10, il tire et il se casse. Donc, la patte des lapins, elle est où? C'est qui l'a prise? Davian, il a tué sa femme et il s'est cassé, tu vois. Donc, là, Tom Cruise est désespéré. Musgrave, donc son pote, son collègue, un peu chef, vient et lui dit « Ne t'inquiète, c'est pas ta femme. J'ai convaincu Davian de pas la tuer. Elle est ailleurs. » Oui, et là, il enlève le masque. Il enlève le masque, de la femme qui a été tuée. En fait, c'était une des sbires de Davian qui avait fait une connerie, qui l'a tuée. Ok. Et après, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans la micro-image que Lindsay Faris t'a envoyée? Je veux juste savoir ça. Si tu me dis ça, tu peux récupérer ta femme et tout. Est-ce qu'elle a cru que c'est Bracelle qui était des mèches avec Davian? Et en fait, on comprend que c'est Musgrave qui essaie de... Bah, c'est Musgrave qui bosse avec Davian et qui veut faire croire que c'est Bracelle. Pour le virer, parce que lui veut avoir les postes des Bracelles. Il dit il est parce qu'il est noir. Et du coup, il dit il est là juste par la discrimination positive. Ouais, c'est ça. Bon. En gros, Musgrave, c'est Musgrave le salopard qui, du coup, n'a pas peur de bosser avec Davian. Pour ses fins personnelles. Et qui dit, pas tant fins personnelles, il dit aussi, parce que si lui, il vend des armes... Oui, c'est ça. Tant que lui est sur le truc, on peut le surveiller. Contrôler, on peut surveiller grâce à lui. Et il va vendre des armes, par exemple, pour la guerre au Moyen-Orient. Et qui va construire les infrastructures après la guerre? C'est les Américains. Donc, c'est une victoire, finalement, pour les États-Unis. Ouais. Bon. Et donc Tom Cruise s'est dit « Ok, d'accord, je te dirai, mais d'abord, je veux entendre la voix de ma femme. » Donc, il l'appelle et il lui met le téléphone à l'oreille parce que Tom Cruise est ligoté. Et là, il dit, il parle avec sa femme, il comprend que c'est elle. Et il mord très, très fort. Musgrave sur les bras. Il prend sa cravate, il le défonce, il prend son stylo, il le tue, en gros. Bah, il le tue pas, mais il le met KO, quoi. Ouais. Il se libère. Il commence à courir dans Shanghai. Non, mais d'abord, il appelle Benji. Oui, il commence à courir en appelant Benji. Il appelle Benji en courant et il dit « Benji, tu dois me dire... Le dernier numéro qui a appelé ce téléphone. Il est localisé où ? Voilà, tu me le dis. Donc Benji qui dit « Oui, non, mais attends, parce que tu sais que t'es recherché. » Donc il papote. Moi, je veux pas perdre ma citoyenneté, mon job. Donc il l'aide quand même. Bah oui. Il trouve Julia et le guide même à l'intérieur de Shanghai parce qu'il peut suivre les signaux aussi de Tom Cruise qui arrive là où il y a Julia et il y a Davian. Eh oui. Qui attendait que ça. Bah oui. Donc qui commence à le tabasser comme un malade et qui lui dit tu vois là ta femme. Je t'avais dit que j'allais te tuer devant elle. Ou voilà, il continue de menacer. Quoi. Et là, d'un coup, Tom Cruise, il a très mal à la tête. Ouais. Mais pourquoi donc ? Et pourquoi donc ? Elle dit, tu te rappelles ? Elle est un peu picolée la veille en même temps. Ça te rappelle quelque chose ? C'est, en fait, il lui a mis la bombe. On comprend qu'il a la bombe dans le cerveau. Donc, il a très peu de temps. Genre, il a 4 minutes pour s'en sortir. Tuer Davien, libérer sa femme, tuer toutes les gardes du corps, et enlever faire les défibrillateurs. Et c'est voilà, tout un complètement bordel. Impossible en 4 minutes. C'est une mission impossible. Donc, il a super mal. Il commence à se battre contre Davien. Il n'y arrive pas, machin truc. Il y arrive. Il le bute par un hasard des choses où il s'est fait renverser par un camion. Bon, Davien, hop, out. C'est fini. Première, ça c'est réglé. Il libère sa femme. Il commence à chercher les défibrillateurs. Elle comprend rien à ce qui se passe parce qu'elle savait même pas qu'il était un espion. Donc, il lui dit, ça c'est un Beretta, machin truc, c'est les pistolets. Tu l'utilises comme ça, tu tireras comme ça, tu le recharges comme ça. Tu devrais t'en sortir. Là maintenant, on doit trouver un défibrillateur et je vais me tuer et après tu me ramènes à la vie. Allez, on fait ça. Donc, je t'aime. Et en fait, il n'y a pas un défibrillateur, donc il se prend une grosse décharge électrique. Oui, il prend un câble, il le dénude et en avant. Donc, il se bute. Elle a la pistolet. Il y a un méchant qui arrive. Elle tire. Bam, bam, bam, bam, bam. Coup de bol, elle y arrive. Elle le tue. Enfin, à vide d'un chargeur. Elle met un autre chargeur. Musgrave, les grands méchants, arrivent. Et on ne sait pas comment, mais elle le tue. Bam, bam, bam, bam, elle revit d'un chargeur. Elle le tue. Elle commence à faire le massage cardiaque à Tom Cruise. Elle lui donne des gros coups et elle le réveille. Il se réveille. Tout va bien. Il est vivant. On se retrouve à l'IMF où Brassel lui dit en gros excuse, s'il vous plaît, revenez à travailler avec nous parce que vous êtes formidable. Il dit je sais pas, on verra, je voudrais bien faire ma lune de miel. Et oui. Oui, parce qu'il s'est marié. On n'a pas dit, mais il y a une petite scène où il retourne voir, au tout début, où il retourne voir Julia pour se marier rapidement et ensuite avant de repartir en mission, en lui disant tu me fais confiance. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Oui, mais tu me fais confiance. Oui, je te fais confiance. Ben allez, on va se marier. Bon. En gros. Et du coup, on voit Julia à l'IMF qui rencontre tous les collègues qui sont trop contents de la voir. Ouais, et il répare. Un petit pot entre collègues, quoi. Ouais, et il répare. Genre, dans la même base, c'est ultra secrète. Et il répare tous les deux, main dans la main. Fin du film. Bravo, Serena. Bravo. Du coup, on va se faire un petit extrait du film. On va faire la séquence préférée de Serena. Oui. Parce que c'est la séquence où ils sont à Rome, toute la mission pour infiltrer le Vatican, en gros. Donc on va faire ce petit passage-là. Oui. Tom sort d'un camion dans une ruelle de Rome, juste à côté du Vatican, des murs du Vatican. Ils ont créé un bouchon et ils s'engueulent avec l'anglais. Un fou italien. Bah lui, il est pas mal l'anglais. Ah ouais. La settimana scorsa. Ouais, c'est pas mal. Il s'engueule. Je me suis dit, est-ce que ça. Ecco, et il y a l'italien qui arrive. Ma baffa cool. Du coup, ils font des grands gestes. Ils surjouent le truc, normal. C'est des Italiens. Oui, c'est vrai. Donc maintenant, tu fais ça, tu tiens les Italiens, moi je monte avec la tyrolienne là. Oui, ils font des diversions parce qu'il y a beaucoup de caméras au Vatican du coup pour être un peu planqué. Donc oui, là ça commence, on entend dans la musique. Tom, il est habillé quand même un gars de... Un livreur, voilà. Il sort un pistolet avec câbles. Un grappin, voilà. Il lance, zoup. Tout en haut du grappin. Ah oui, non, d'abord il lance le truc pour que la caméra se... Ah oui, que ça arrête de fonctionner. Ça brouille la caméra, comme ça il peut monter. Là, il met le grappin. Grappin, pouf. Allez, il s'accroche à la ceinture. Et il court. Et il marche à la verticale. C'est trop bien. Tac, tac, tac. Mais ça dure, hein. C'est long, hein. C'est haut. Il arrive au Vatican. Waouh, qu'est-ce que c'est. Il est sur le haut du mur. À côté de la caméra. Voilà, empty sur le mur. Donc là, Declan, il peut libérer le bouchon. Mais la grazie, ça se dit pas du tout comme ça. Grazie mille, mais la grazie. Bon. Tom prend une photo du paysage de là-haut à côté de la caméra. Oui. Il la met sur un support, il le remet devant la caméra et la caméra. La fait remarcher. Putain, ça c'est tout un. Ils sont forts. Hein. Ah, c'est malin. Ils sont forts, hein. C'est bien passé. Ah, mais c'est leur métier. Tac. Là. Ah non, la caméra, ça marche. Lascia stare. Mais... Laisse tomber. Tout est bien. Lui, il est italien. Et oui, mais il y a quand même d'autres italiens. Et là, il va mesurer la hauteur du mur. 16,50 m. Eh, pas mal, hein. Et il met son grappin et zou. Il descend sur le ventre et il tombe allez, un petit rappel au premier film. Ouais. Il tombe à quelques centimes. À plat. Il enlève son costume qu'il est retiré par les grappins et il est habillé en prêtre. J'aime bien Tom Cruise prêtre. Eh oui. Très très bien. Bonjour. Bonjour. Waouh. Eh oui. Trop bien. Cette petite séquence italienne. Mais c'est vrai qu'au début, tu entends Tom Cruise qui dit à peu près rien. Ah ouais? Il fait. Ouais, c'est ça, il joue juste. On s'énerve. Oui, juste la toute première séquence, c'est quand ils sont face aux Italiens, un peu mieux. Ouais. L'anglais, c'est de merde, pas mal, mais. Oui, l'anglais, tu sens qu'il a un peu plus de notions d'italien que. Il a un peu plus de notions. Après, il a un accent pourri, mais bon, ouais. Ça va. Bah après, Tom Cruise, il avait appris le japonais il n'y a pas si longtemps, donc il peut pas tout faire en même oui, temps. Oui, hein. Oui, oui. Et puis là, pour deux phrases, c'est un peu con d'apprendre l'italien en entier. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon, alors, Serena, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Ah là là là là. Bah. Bah, c'est mission impossible, quoi. Bah ouais. Alors, j'ai pas détesté. Ça a passé. C'est un bon point. C'est qu'un bon point. J'ai trouvé l'émission bien. Ça fait pas non plus des cascades des ouf. Il y a un peu un truc où il y a rien de... On en avait déjà parlé un peu. Il y a rien de super iconique ouais. Par rapport aux autres où tu ouais. Dis, ah oui, celui-là, c'est celui où il monte, qui escalade. Ah, celui-là, c'est celui... Là, il y a pas mal de scènes, mais il y a rien de vraiment... Bah, la scène la plus iconique, c'est la scène du pont et des hélicoptères, tout ça. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est... Il est moins dans les mémoires pour des grandes scènes. Elles sont moins impressionnantes. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas autant marché. Parce qu'après, par contre, il y a beaucoup, beaucoup de petites missions d'infiltration, tout ça, machin. Qui sont bien, hein, qui sont bien tournées et tout. Il y a un truc qui est chouette, mais il n'y a pas ce truc, je sais pas. Et du coup, c'est beaucoup des références, j'ai l'impression, au premier. Bah, par exemple, là, du grappin qui tombe. Il y a pas mal des clins d'œil, mais ce n'est pas trop de trucs pour les futurs. Ouais. Et après, bon, il y a les grands mérites d'amener Simon Pegg quand même, qui est trop chouette. Et c'est quand même un super bon méchant. Moi, j'aime bien Davian. Et Philippe Seymour Hoffman, il est trop fort. Et avec sa voix, la monotone, hyper basse. Franchement, il y a des belles séquences et tous les deux, je trouve que ça marche bien entre eux. Et il se tient, c'est un beau tête-à-tête, tu vois. Ça fait pas ridicule. Ouais, carrément. Ouais, et tous les échanges qu'ils ont, tu sens qu'ils ont kiffé. Ouais. Et ça vient sûrement de Magnolia, d'ailleurs, je n'ai même pas pensé. Mais oui, parce que c'est là qu'ils ont... Ben oui, ils se sont retrouvés là. Ils se sont retrouvés là, c'est clair. Ouais, donc... bon, ça a quand même du positif. Après, la nana qui devient super forte, la femme là qui arrive à tuer tout le monde. Bon, ça, c'est toujours... Moi, ça me saoule. Ouais. Les coups de... C'est très pratique. Ouais, voilà. Déjà, on accepte que Ethan Hunt arrive à tout faire facilement. C'est déjà gros. Oui, c'est gros, mais c'est un peu son métier, tu vois. Tu dis, bon, on peut accepter jusqu'à là. Ouais, on l'a déjà vu faire des trucs, bon, ok. Mais elle, qui a jamais tiré, qui s'arrête trop, qui vient de buter son mari et qui craque pas et qui bute tout le monde, bon. Bref, voilà. Ça me saoule un peu. Mais bon, elle est pas, pour le coup, elle est pas la nana complètement débiloche. Et... Non, bah, puis après, elle découvre tout. Enfin, c'est pas. Ouais, ouais. Mais bon, voilà. Et après, what else? Ouais, il y a pas tant de choses que ça. Parce que, après, l'histoire, est-ce que Brassel, il est le méchant ou pas? Il y a encore une histoire de taupe. Enfin, bon. Ouais. Mais ça, c'est un classique de Mission Impossible, de nous faire croire que c'est machin la taupe pour qu'en fait ce soit ça truc. Mais... Oui, mais du coup, tu le sais, tu vois. Oui, tu te doutes un peu de. De Musgrave, là, quand il dit oui, j'ai intercepté l'appel, machin, tout le monde dit oui, bon, c'est lui. Bon. Oui, de toute façon, au bout d'un moment, plus ça avance et tu te dis bon, il n'y a plus que lui, en fait. Ouais, c'est pas ça. C'est le seul qui est trop gentil et qu'on n'est pas censé connaître. Quoi. Oui, oui. Ouais. Et l'anglais, moi, j'ai eu un doute sur l'anglais, sur son collègue. Oui, oui. Parce que le frère, il dit un anglais a appelé pour demander où elle était ta sœur. Et je dis, ah, est-ce que lui, du coup, c'est lui? Mais non, bien sûr qu'un. Ça serait tellement con d'utiliser son accent. Voilà. Okay. Mais par contre, la surprise que j'ai eue, c'était la bombe dans les cerveaux. Ah oui. Et là, je trouve que c'était super bien amené parce qu'on le voit, les débuts, et même juste avant le mettre, mais c'est pas tellement des choses ouais, qu'on a oublié oui. qu'il a la bombe, et du coup quand il a l'écoute de cerveau, tu fais ah non c'est vrai il avait ah, la bombe oui. Ça m'a surpris. Bon, c'est tout, c'est cool. Et toi? Du coup, ce que je disais en intro, que moi c'était mon Mission Impossible que j'aimais le moins, et que je me demandais si en le revoyant j'allais comprendre pourquoi en fait, enfin ou j'allais savoir, ou peut-être j'allais me dire non en fait c'est pas moi, celui que je l'aimais moins. Et du coup en fait c'est un peu tout ce que t'as dit. C'est-à-dire que le méchant, il est super. Dans les points positifs, je trouve que le méchant est super. Par contre, sa fin est nulle. Enfin, ouais, il meurt, c'est un épisode de Bibi et Coyote, quoi. Il se fait écraser par un camion. Ouais, c'est complètement débile. Et en plus, il se fait écraser hors champ. Enfin, il y a pas de... Et heureusement qu'il y a eu les face-à-face avant. Parce qu'en plus, du coup, c'est un super méchant. C'est presque un méchant, tu te dis, ce serait bien qu'il reste sur la suite de la franchise. Parce que, à la fois, l'acteur est super bon. Et le personnage, ce personnage en fait qui est la version méchante de Ethan Hunt, quoi, qui peut tout faire, qui a un réseau, etc., qui lui a aucune conscience morale. La morale, il s'en fout en fait, lui, il a du business à faire. Et du coup, c'est une opposition hyper intéressante. Et du coup, ouais, il le tue, c'est nul comment ils le font finir, c'est vraiment nul. Donc c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un point positif. Un autre truc que je trouve bien pour ce film, c'est qu'en fait, il va vraiment, par rapport aux deux premiers, il a une structure et des codes, on va dire, qui sont différents et qui vont vraiment poser les codes de tous les Missions Impossibles suivants. Je trouve que, tu vois, dans comment il est foutu, les suivants vont reprendre un peu les mêmes codes. Sauf que dans celui-là, ils sont un peu moins... ils sont pas encore aboutis complètement, tu vois. Ouais, ouais. Mais il y a encore cette histoire d'avoir les scènes iconiques, la bande aussi, hein, les collègues, fait d'avoir le groupe, ça va devenir très important après. Mais sauf que plus tard, dans les Missions Impossibles suivants, les personnages sont mieux écrits, sont plus intéressants que ceux-là. Cette bande-là, en fait... Elle est un peu vide. Elle est hyper vide. Ils vivent pas vraiment à part Luther, mais parce que Luther, il a déjà deux films avant, quoi. Ah ouais. Et du coup, la preuve, c'est que finalement, dans cette bande, tu t'attaches pas trop à eux, tu t'attaches à Benji, qui est un personnage annexe, qui va ensuite faire partie de la bande. Mais du coup, tu te dis, c'est quand même dommage de pas avoir réussi à écrire les autres, surtout si dans l'idée, tu veux les garder. Mais c'est vrai que sur la longueur. Charlie, elle est trop. Maggie Q. Elle est trop forte, quoi. J'aurais trop. Eu envie de l'avoir plus comme personnage, tu vois. Mais ils sont pas développés, et du coup, tu peux juste, ce que tu disais, te dire, ah, peut-être c'est des traîtres, mais même pas, en fait. Ils ont pas grand-chose. Ils font un peu penser au mec qu'il y avait dans le Mission Impossible 2, tu sais, il a qu'un autre coéquipier, là, qui fait les ordinateurs. Ah oui, Jack... Et encore, c'est Billy, Billy Bird, je sais pas quoi. Ah ouais. Il a deux, trois trucs un peu rigolos, tu vois, c'est le Simon Pegg, quoi. Oui. Mais là, ouais, je trouve que du coup, c'est dommage parce que ça marche pas trop. Après, ce qu'on disait, les scènes qui sont censées être les grosses scènes iconiques, elles sont pas si iconiques que ça. Mm. Après, bon, c'est cool, il y a les masques, tous ces trucs-là. Et puis, ouais, la réalisation, j'y crois pas trop, tu vois. Je suis pas fan de comment c'est foutu parce que tu vois que le film, il a été fait à la période où il y a Jason Bourne et James Bond qui sont en train un peu de remettre en question, de reposer un peu les bases de comment on fait les films d'espionnage et films d'action comme ça. D'accord. Ouais. Et tu sens qu'ils sont dans la mouvance, mais pas trop, qu'ils savent pas comment s'en démarquer, mais donc ils font beaucoup de shaky cam, de trucs comme ça. Et du coup, c'est une réalisation qui trouve pas la touche Mission Impossible qu'ils vont trouver par la suite. Ouais. Et là, je trouve que sur celui-là, pas vraiment. Du coup, je pense que c'est pour ça que, pour moi, il a un côté un peu fade. Oui, même s'il est quand même hyper divertissant, hyper intéressant, mais c'est en gros, ça pourrait être mieux. Et en fait, je sais surtout que le 4, ce sera ça en beaucoup mieux. Quoi. Du coup, t'as encore plus cette frustration que ça. C'est vrai. Quand tu les vois... Voilà. Je sais que quand je l'avais vu à l'époque, j'étais un peu déçu parce que... Pour plein de raisons comme ça, notamment l'équipe et tout. Et qu'une fois que tu vois le 4, tu dis « Ok, mais non, le 4, il enterre le 3 directement. » Ouais, c'est bon. Ouais. Et d'ailleurs, le truc qui est hyper embêtant et que c'est vraiment J.J. Abrams, c'est la putain des pattes des lapins. Quand on ne sait pas jusqu'à la fin qu'est-ce que c'est. Et qu'on s'en fout. Et qu'on s'en fout, mais en même temps, il a mis tellement de trucs là-dessous, je ne sais pas. Bah, c'est un MacGuffin, enfin c'est... Ouais. Ouais, et après, t'as les défauts de J.J. Abrams, ça sont ces espèces de trucs visuels de toujours mettre des reflets partout, machin. Enfin, c'est pas très intéressant. Non, mais même la pâte et lapin, elle a fini où? Parce qu'il l'avait amené en réalité. Si, elle y est à la fin, je crois qu'on la voit quand Musgrave arrive, je crois qu'on la voit, mais on s'en fout. Enfin, c'est un prétexte. Bah, ça, après, ouais. La rigueur, bon, c'est un prétexte. Mais... Par contre, tu vois, le truc de la toute première scène, l'espèce d'astuce de dire on met d'abord la scène de torture qui sera en fait à la fin du film. Ouais. Et c'est bizarre parce que je me disais, mais est-ce que ça marche vraiment puisqu'on se retrouve avec, avec un méchant qu'on connaît pas encore? Là, on ne sait pas encore que c'est sa femme. Mais, et puis du coup, même si on le sait, on n'a aucun attachement puisqu'on ne les a pas vus ensemble. Enfin, on n'a encore rien vu. Du coup, est-ce que ça marche vraiment, ce truc-là? Et tu as un côté un peu, c'est un truc qui existe dans des épisodes de série où tu as déjà tous tes personnages faits et tu vas faire un épisode où tu vas d'abord démarrer par la fin, mais parce que tu as déjà eu des enjeux affectifs dans les épisodes précédents. Oui. Mais même... Et là, du coup, oui, tu peux l'avoir dès le début, cette tension. Qui va ensuite être résolu par l'épisode, que là, comme en fait ça fait référence à rien du tout des épisodes, enfin des films d'avant, je me demande si ça marche vraiment de vouloir mettre cette astuce-là, de poser une scène de la fin pour mettre de la tension, alors qu'on n'a pas d'enjeu émotionnel, à part pour Ethan Hunt, parce que c'est le seul qu'on connaît. Oui, mais même, en réalité, ce genre de choses ne jouent pas sur les jeux émotionnels, c'est pour te faire voir les films. Mais ça se fait vachement, maintenant, c'est devenu à la mode, mais même sur des séries, dans des pilotes, ouais. Ce qu'on appelle les pilotes, ça se fait vachement de mettre les premiers 10 secondes, tu mets l'enjeu de tout ce qui va se passer après pour accrocher. Ouais, mais alors là où c'est encore pire, c'est que c'est un faux enjeu. Puisque dans cette scène, il fait tuer la femme, alors qu'en fait, on apprend à la fin que c'est pas sa femme. Donc c'est... Oui. Et du coup, je sais pas, je suis assez... Mais c'est parce que c'est pour ça que ça te tient accroche. Que si c'est une fausse promesse quand même, pas mal. Bah, mais c'est toujours ça. Ouais. C'est juste ça t'accroche et du coup, tu te dis, ah, comment c'est quoi la patte de lapin? Comment on arrive là? Sa femme, elle s'est fait buter. Oh mon Dieu, tu vois. Ouais. Mais du coup, je sais pas, j'ai l'impression, je me rends pas compte que si ça marche ou pas... Moi, là, je l'ai vu, je l'avais déjà vu le film, donc t'as pas la même surprise. C'est difficile, ouais. C'est un peu difficile, quoi. Le seul truc d'avantageux de ça, c'est que ça met directement le personnage de Philip Seymour Hoffman hyper inquiétant. Oui, et que. Et que tu sais que ça va mal. Et en gros, mais après, tu sais que cette scène-là, dans n'importe quelle Mission Impossible, elle va arriver, où il se fait capturer, il va être torturé. Tu le sais qu'elle va y être à un moment ou un autre, donc je sais pas trop. Ça m'a un peu gêné, mais. D'accord. Non, moi, pas trop. Je me suis dit, bon début. Ouais. Bon. Ouais, mais et même quand on est arrivé au frigo, là, du coup, à la scène dans la. Parce que ça coupe sur la scène de tous les jours, fiancé, machin, truc, t'es là, oh. Oui. Rien à foutre. Ouais, et puis cette scène, ce démarrage où il est instructeur, il a sa femme, machin, etc. Ça s'étire un peu et tu dis, bon. Oui, ok, il est en civil, il est parfait, tout le monde le trouve merveilleux. Mais à aucun moment, en fait, tu crois à ce truc de, en fait, lui, il voulait une vie rangée, il voulait plus être dans le... J'y crois pas trop, moi. Mais même leur mariage, en fait, tu vois, l'alchimie avec Michelle Monaghan, qui joue Julia, sa femme, moi, je trouve qu'elle marche pas ouf. Non. Parce que, il cache tout, enfin, tout ça. Et alors que je trouve qu'il y a plus d'alchimie et qui est vachement plus intéressante entre lui et Lindsay Faris. Ouais. Ce qui est son élève, du coup, c'est vachement plus intéressant cette relation-là, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et en plus, l'actrice Kerry Russell, je trouve, a plus de choses à jouer que Michelle Monaghan. Elle n'a pas grand-chose à jouer, du coup, tu peux même pas dire si c'est bien. C'est la femme. Voilà, mais du coup, c'est un peu. Parce que c'est pas une mauvaise actrice, tu vois, mais du coup, là, tu te dis, c'est pas ouf. Que je trouve Kerry Russell, son personnage est vachement bien et elle le joue bien, du coup, je trouve plus d'intérêt dans cette relation-là, que la relation amoureuse. Bon, qui en plus, ils vont nous la faire traîner sur tous les films, puisque. Elle est sœur après. Hein, Julia, ça revient régulièrement. Ah, tu sais, c'est ce truc de. C'est sa vie qu'il a dû laisser de côté parce qu'en fait, il ne pourra jamais être un civil. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans une Mission Impossible, quoi. Ouais, non. Voilà. Bon. On a fait un. On s'oscarise, petit... c'est ça le. Ouais, petit le Oscar point. Time. Ouais, petit Oscar time. And the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes, and the Oscar goes. Et oui, les Oscars. Est-ce qu'il y a des Oscars pour ce film? Ouh là là, je ne sais pas du tout. Il n'y a pas eu d'Oscar pour le film, non, déjà, non, ça s'est réglé. J.J. Abrams, est-ce qu'il a des Oscars? Non, mais j'ai pas vu, non. Moi, j'en ai trouvé 3 personnes. Ah bon? Pas que tu regardes sur mes notes. Ouais, 3 personnes pour les Oscars. C'est des trucs... Normalement, il y en a un qui est évident. Ah ben, Philippe Seymour Hoffman pour Capote, là. Ouais, Truman Capote, tout à fait. Et il y en a autre... Acteur? Non, pas acteur. Acteur, c'est tout. Oui, c'est ça. C'est les autres, moi, je suis nul. Bam, souvent... Bam, bam, bam, bam, son. La musique, Qui c'est qui a fait la musique? C'est Michael Giacchino. Ah. Qui avait eu un Oscar pour la musique de Là-haut, le Pixar. Ah, trop mignon ce film. Ouais. Voilà. Giacchino, non? Giacchino. Ouais. Je sais pas comment on dit. C'est un italien. C'est un italien? Italo-américain. Italo-américain, d'accord. Sûrement. Et un autre, c'était pour les costumes, Colin Atwood, qui a eu 4 Oscars pour les costumes. Waouh! Bon, c'est pas mal, tu payes une nana pour les costumes. Ça va. Plein d'Oscars pour un film où les costumes, ils changent toutes les 2 secondes. Donc. Oui, mais c'est pas mal, du coup, t'as plein de. Oui, voilà, ça, t'as quelqu'un qui peut être efficace. Et faire les costumes prêtres, livreurs, Davian Bis. C'est clair. Ouais. Et les sous-sous? Du coup, parce que là, on est sur une prod Tom Cruise. Ouais, c'est un peu gros, non? Ça coûte 150 millions de dollars. Dollars? Ouais. Comme la guerre des mondes? Non, comme... Comme la guerre des mondes, tout à fait. Je crois que c'était ça, c'est 150, la guerre des mondes. Au 130. À peu près. Ouais, c'est dans ces eaux-là, quoi. Et par rapport aux Mission Impossible 2, bah, c'est un peu plus, puisque le numéro 2 avait coûté 125 millions de dollars. Ah ouais. Tom Cruise, il a gagné 75 millions de dollars entre son cachet, les intéressements, tout ça. C'est pas rien. Et est-ce qu'il a marché, ce film? Bah oui. Bah oui, parce que c'est Mission Impossible. Bah mais oui. Mais peut-être pas moins que les autres. Et oui, parce que historiquement, c'est le Mission Impossible qui a le moins bien marché, puisqu'il a fait que, entre guillemets, 398 millions de dollars. Ça va quand même. Ça va. Mais le 2 avait fait 546 millions, pour rappel. Et oui, mais le problème, c'est que les deux, on avait beaucoup d'attentes du premier. Oui, et là, tu crois que c'est à cause du 2 qu'il fait moins? À cause du 2, ah bah c'est sûr. Ouais. Bon, y a c'est ça, et puis aussi qu'entre-temps, Tom Cruise il était maxi-scientologue et que c'était parti en cacahuète dans la presse. Hein. Aussi. Je crois que ça n'aide pas. Oui. Tout à fait. Je réfléchis, le premier, il avait quand même lui aussi fait 458 millions. Hein. Non, mais donc, c'est ouf, quand même. Non, en fait, c'est pas un four, hein, le 3. Non, non, t'es quand même au double. Mais c'est pas grand-chose, hein. Ouais. Enfin, c'est pas grand chose. Et en tout cas, c'est fait partie des trucs qui font que, pour enchaîner sur Tom Cruise, la Paramount a fait. C'est le dernier film que la Paramount a fait avec Tom Cruise. Enfin, en tout cas, en termes de diffusion par rapport à la production Cruise Wagner. Parce que là, sur Mission Impossible 3, en gros, tout explose un peu. C'est, ouais. On en a parlé rapidement sur La Guerre des Mondes où c'est la bascule. Où Tom Cruise, bah, il tombe un peu en désamour pour tout le monde. Et là, c'est les studios aussi, parce que du coup, la Paramount, ils se disent, bah, ça, c'est le dernier film qu'on fait avec toi. Wow. On rompt notre contrat. Paula Wagner se barre. Ah ouais. Ouais, c'est à ce moment, c'est là. Après celui-là qu'elle se barre. Ah là du là. Coup, Tom Cruise, il se retrouve seul avec ça et à devoir gérer aussi United Artists, donc la boîte de prod qu'ils avaient en plus, qui va couler quelques années après. C'est le désamour total. Le film marche pas ouf. Ouais. C'est compliqué. Spielberg, il dit au revoir. Donc là, vraiment, Mission Impossible 3, c'est le dernier gros film où il est encore puissant. Mais là, et on aborde. C'est les déclins, quoi. Ben là, on aborde la fin, ouais. Ah. Et du coup, c'est vrai que c'est le moment où toute la presse commence à dire c'est le début de la fin pour Tom Cruise, quoi. Ouais. Et Scientologie. Il est fou et tout ça. C'est ça. Et donc là, on est parti normalement. Pour aller jusqu'au déclin de Tom Cruise. Ouais, oh merde. Là, on était au top du top, et là, ça s'effondre très très vite. Ouais. Et avec Mission Impossible 3, c'est pas tant le film en lui-même, mais c'est à ce moment-là. C'est les moments, quoi. Il y a eu en plus, pendant la promo du film, il y avait South Park qui avait sorti l'épisode, tu sais l'épisode sur la Scientologie où il y a Tom Cruise dans le placard, qui est énorme, si vous pouvez le regarder, il est très très drôle ce truc. Et il y avait eu toute une histoire où Tom Cruise avait menacé qu'il fallait boycotter ce truc, qu'il fallait pas être diffusé, en faisant appel à machin. Là. Et oui, parce que ça révèle ce que tu dois pas révéler. Ouais. Et South Park avait dit boycotter le Mission Impossible. Parce qu'il veut nous empêcher, machin, nanana. Au final, Tom Cruise, il avouera jamais qu'il a fait pression pour supprimer cet épisode, mais bon, a priori, ça a été le cas. L'épisode est quand même sorti, il est très très marrant, il faut le regarder parce qu'il est vraiment très drôle. Donc ça, c'est pareil, ça rajoute encore une couche sur... Ouais, il est très antipathique, hein. Du coup, c'est qu'il y a dans d'autres temps, tu dis « Oh non, ça n'existe pas, je le vois pas », là, personne n'a plus envie de se dire « Non, je le vois pas », et donc tout sort... Et ça tombe mal en plus parce que t'es sur un Mission Impossible qui enfin a des bonnes critiques, alors qui reste quand même mesuré, hein, bonnes critiques, mais qui reste à dire oui, c'est un bon film, mais c'est pas un grand film encore d'action, tu vois. Ouais. Mais donc le fait avec ce résultat un peu moyen Avec des grosses guillemets hein, quand même, on est sur 400 millions quasiment. tout ça, il n'y a rien qui aide pour que, en fait, on tombe en. Ça soit la déconfiture. Ouais, ok. Donc, plus la prod, c'était passé à la base, c'était Fincher, David Fincher qui devait le faire. Ah ouais. Mais Tom Cruise, il voulait notamment Fincher, il voulait Sylvester Stallone comme méchant principal. Ah ouais? Ouais. Non. Ouais. Et Tom Cruise a dit non, et du coup, Fincher s'est barré parce qu'il a dit mais moi, je veux pas bosser avec Tom Cruise, du coup. D'accord, ok. C'est un truc qui aide pas, tu vois. Après, j'avais une anecdote qu'a priori, à la base, c'était prévu que ce soit Kenneth Branagh qui fasse le méchant. Ah, et honnêtement, ça aurait pu. Ah, moi, je préfère largement avoir. Non. Heureusement que c'est pas Kenneth Branagh. Hein. Putain, moi aussi, mais ça peut coller quand même dans le. Ouais. Je sais pas, moi, j'ai du mal avec Kenneth Branagh. Ah ouais? Pas personnellement, je pense que c'est un homme charmant, mais. Mais voilà. Ok. Et c'était aussi par rapport aux prods, toujours sur la production, une des premières prods de Tom Cruise avec, à l'international, parce que c'était coproduit avec une boîte en Allemagne, une boîte en Italie, une boîte en Chine. Ah, super. D'où le casting avec Maggie Q et tout ça. Qui faisait oui, bien sûr. S'internationaliser, ce qui n'est pas con. C'est parce pas con. Y a un marché à prendre. Bah oui. Ça n'a pas marché, mais dans l'idée, tu en vois. En plus, ces personnages, c'est trop dommage. Elle est rigolote quand même. Elle a quelques répliques qui étaient là. Ah ouais, elle pourrait vraiment marcher, faut, quoi. Ah, c'est un peu c'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage. Je suis un peu plus réservé sur Declan. Jonathan Rhys-Davies, ah ouais, parce que je trouve que c'est pas un super acteur. Non. Il a deux modes. Soit il joue pas, soit il joue trop. Et ah coup, ouais. C'est un peu, lui, il marchait moins bien à l'écran. Et après, lui, il a fait que des séries quasiment, je crois. Ah, je sais pas. J'ai jamais trop revu un film, mais je n'ai pas trop suivi. Mais elle, ouais, ça aurait pu. Bref. Et alors, j'ai vu que à l'époque, je lisais un article, il y avait des rumeurs comme quoi, toutes les rumeurs qui couraient, c'était que c'était le dernier Mission Impossible avec Tom Cruise. Ah. Alors, est-ce que c'est des trucs qui sont apparus après pour ça expliquerait le déclin, enfin le fait qu'il va pouvoir se planquer parce que, enfin tu vois, est-ce que c'est parce qu'il y a eu toutes les révélations sur la scientologie que ces rumeurs naissent en disant on le reverra plus dans Mission Impossible ou mais c'est possible. Hein. Enfin, peut-être à l'époque ça se faisait moins. Aujourd'hui, tu peux effacer des comédiens comme ça, pouf pouf. Mais si ça arrivait maintenant, il serait fait éjecter direct. Ah oui. Mais direct. Oui, carrément. Après, là, il se fait un peu éjecter en soi. Hein. Parce qu'il désavait des boîtes de prod, des réalisateurs. Parce que, bon, Spielberg le tèche, Fincher dit qu'il va se rappeler avec lui. Il y a eu un autre, Joe Carnahan aussi, qui va se barrer. Enfin, c'est chaud. C'est chaud pour Tom Cruise. Ouais. Ouais, bon. Et alors, qu'est-ce qu'on a pensé des tomes? Bah après, c'est du tome là, c'est toujours le truc sur les missions impossibles, compliqué, t'as pas grand-chose. Ouais, il n'y a rien en fait. Rien de très surprenant, non. Je trouve. Hein. On est un peu. T'as toujours l'engagement physique, hein. Il y a les scènes où c'est lui qui fait les cascades, tu le vois, la scène sur le pont où il est projeté et tout. C'est cool que ce soit lui qui fasse ces cascades là parce que ça te permet de bien le voir du début à la fin et que ça marche, quoi. Oui, c'est vraiment chouette. Mais je le vois même plus, moi. Ouais, mais quand tu vois le making-of, où tu vois que c'est fait en vrai et tout, tu comprends aussi pourquoi l'image, elle a de l'impact. Que s'ils avaient dû faire une doublure, etc., ils auraient dû tricher à un moment. Ouais. Et tu te dis, effectivement, tu peux pas garder ce plan sur la longueur avec vraiment être en frontal et bien le définir. Donc, ouais. Ouais. Bon. On n'a pas grand-chose à dire, j'ai l'impression. On est un peu sur notre... C'est un peu le film mou, le film bof, le film... Voilà, c'est Mission Impossible, ça reste sympa. Et les films bon élève, je dirais. Ouais. Un peu, j'ai fait les tafs, du coup ça tient la route, mais c'est pas brillant. Non. C'est un peu, il a fait ses devoirs, et voilà quoi. Et puis dans l'écriture de la légende, dans l'écriture du personnage d'Ethan Hunt, bon, ça fait un truc bizarre, parce que justement, c'est genre, il va se ranger parce qu'il est marié... Mais bof. En même temps, t'es un gros connard. Si tu te maries, tu racontes rien à ta femme, tu la mets en péril de vie pour le reste de ta vie. Mais c'est trop horrible, quoi. Comment tu peux l'aimer et la mettre. Tu vois, c'est dur quand même. Ouais, carrément. Bon, après, je sais pas comment ils font les vrais. Les vrais espions? Les vrais espions, j'en ai aucune idée. Mais... Bon, bref. Et une petite anecdote, tiens, sur ton pense. La scène sur le pont, elle a pas été tournée sur un pont du tout. Ah bon? En fait, ils ont. Ils voulaient, mais avec tous les axes, tout ça, c'était très compliqué de faire ça sur un pont. Donc, ils ont reproduit le pont dans le désert, enfin dans un désert, enfin dans un grand truc. Et comme ça, ils ont pu tout faire à plat et ensuite incruster le pont en maquette sur le, enfin pas en maquette, mais en grand décor sur le vrai pont. C'est rigolo. Et quand tu vois le making of, tu dis c'est marrant. Ouais. Ah, parce que ça permet, effectivement, il y a des axes, des plans et tout. Tu te dis, ouais, sur un pont, faut des grues, dans... ça devient compliqué. Ouais, du coup, ils se sont simplifiés la vie, ils ont dit, hop, on fait ça dans le désert. Trop bien. C'est marrant. Bon, là, il faut qu'il y ait des trucs. Un énorme truc vert, là, comment on appelle ? Écran vert. Bon, bah, il n'y avait même pas d'écran vert, du coup. Bah là, c'est le désert. Bah oui, mais ça fait la même. Écran sable, quoi. Putain, la chaleur. Ok. Bon, bah du coup, on est mitijax. Bouf. On est mitijax. Est-ce que ça va se voir sur le cruisomètre ? On va le savoir de suite. C'est l'heure du cruisomètre. Et oui, le cruisomètre, c'est échelle de 0 à 100 où on va donner notre ressenti. Du coup, on devine mitigé. Bah sur, oui. Ça, parce que là, c'est un peu tristoun. C'est le début c'est de tristoun, la fin, donc. Bah, et en même temps, c'est peut-être celui qui sauve un peu la franchise, non ? Bah là, moi, c'est un peu ce truc, c'est qu'en fait, c'est celui qui va poser les bases pour la suite. C'est pas lui qui sauve la franchise. Pour moi, c'est plutôt celui d'après qui fait vraiment le boost. Mais lui, il donne les ingrédients. En gros, lui, il prépare tous les ingrédients et le 4 va vraiment marquer. Il est important dans la franchise Mission Impossible, mais il est pas, pour moi, il est pas trop mémorable, quoi. Et puis non, c'est un petit peu un même, échec. En fait, il y a plein de missions impossibles que j'ai vues tous, tu vois. Et je me rappelais des trucs, tu vois. Je me rappelais pas tout, mais je me rappelais quand même des scènes. Là, je me rappelais de rien du tout, quoi. C'est fou. J'ai fait, ah oui, bon, les méchants, à la rigueur. Oui, bah, de toute façon, souvent, tu te souviens de ça. Mais du reste, du film, des plans, de machin, rien, quoi. Ouais. C'est ouf, quand même. Alors que John Woo. Ah oui, mais j'adore le 2. Non, mais toi, tu adores les 2. Moi, je ne suis pas fan du 2. Je trouve qu'il a plein de trucs assez cata. Ah oui, mais c'est. Mais il est reconnaissable. Ouais, je sais pas, il a un truc du style. Il a un charme kitsch. Tu vois, oui, il a les kitsch. Il a un quoi. Charme, du coup, dans ça. Oui. Ce qui fait que. Et dans celui-là, ce que tu disais, quoi, il est assez bon élève, neutre. Quoi, neutre. Et alors, pour que je te donne un indice quand même, parce que tu avais donné 40% pour le 2. Bah oui, mais ça ne m'étonne pas. Et encore, j'étais un peu haute. Ouais. Et du coup, là, tu donnerais combien pour le 3 ? Bah, moins. Je pense que je donnerais moins. Moi, j'avais donné. Pas beaucoup moins, tu vois. Pour moi, ils sont vraiment côte à côte. Mais 39%, tu vois. Un truc comme 39. Ça. Un tout petit peu moins. Ouais, c'est 1% de moins, quoi. Oui. Ok, je note 39. Moi, j'avais mis 55%. Pour le 2. Ouais, alors. Et là, moi, j'étais parti sur 46%, je crois, pour le 3. Ah ouais. Ouais. Bah oui, mais parce que, en fait, je voulais descendre plus, parce que. Mais en même temps, il mérite pas d'être complètement. Enfin, il est pas complètement négatif. Dans non, l'histoire. Non, il n'y a pas complètement négatif. Parce que, en plus, ce que je te dis, quoi, il va poser des trucs quand même. Oui. Donc, 46, ça me paraît pas mal. Après, ça l'a démérite de mettre J.J. Abrams sur un piédestal, peut-être. Bah, c'est son premier film. Et ouais, donc je sais pas si c'est très bon pour Hollywood, mais bon. Après, ça, chacun jugera. Nous, on n'est pas très fans de J.J. Abrams, mais bon, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Oui, il en faut pour tout. Rotten Tomatoes, du coup. Il n'est pas comme nous, Rotten Tomatoes, ils ont dit 71%. Ah, quand même. Ah ouais, non, mais c'était... Ça a bien marché, la critique. Eh bien ouais, je te disais, les critiques, elles étaient très très positives sur le film. Mais parce qu'ils sont racistes aussi, parce que John Woo, ils n'ont pas aimé parce que... étranger, kitsch... Je sais pas. Bah, ouais, et puis ici, le 2, c'était parce que c'était trop énorme. C'était tout match, je rigole. C'est vrai, mais je pense que le 2, clairement, il gagne à être vu maintenant parce que tu prends énormément de recul et qu'il est drôle. Oui, il est drôle. De ça. Je pense effectivement, peut-être à l'époque, tu fais non, c'est trop, ça me plaît pas. Non, ouais, c'est clair. Et bon, voilà. Rotten Tomatoes, on a dit 71%, 3,3 pour Allociné. Mais c'est toujours 3,3. Bah ouais, c'est vraiment pas intéressant, t'as raison. Non. Hein. Les Français ne sont pas intéressants. Non, c'est pas pour ça. Mais les gens qui écrivent sur Allociné, c'est pas non plus. Ben ouais. C'est très peu de monde, j'imagine. Bah si, il y a du monde, mais bon, ça fait qu'il y a tellement de monde que ça tasse, en fait. Ça tasse. Tu vois. Ouais. Bon. J'ai pas regardé les critiques, moi, je t'avoue. J'ai fait une pause de critique. Ouais, c'est bien. Bon, allez, par contre, là, on est après cet épisode un peu de transition et un peu de somme, puisqu'on sait qu'on attaque la partie dure de la carrière de Tom Cruise. Ouais. Je pense que c'est un peu ça aussi qui joue. Ouais, c'est mais on va découvrir des films qu'on n'a peut-être pas forcément vus, du coup, ça peut être rigolo aussi. Oui, oui, oui. Et en attendant, on va se faire des recommendations. Serena, as-tu une, deux, trois, 40 recommandations? Bah, vas-y, toi, d'abord. Ah, merde, j'allais boire un coup. Ah, bah, vas-y, non, tu non, veux que je prends. Bah, non, je suis parti. J'en ai deux. Ah. Pour enchaîner par rapport à la semaine dernière, où il y a deux semaines, j'avais fait des comics. Et bien, je refais des comics. Mais cette fois-ci, j'en fais deux. Yeah. Il y en a un, ça me fait penser à ça, c'était par rapport au personnage d'Ethan Hunt qui est désabusé, qui veut arrêter, mais qui veut pas arrêter. C'est un arc de Catwoman qui est publié chez DC Comics, qui s'appelle Lonely City. C'est dessiné, écrit tout par Cliff Chiang. Et c'est en gros Selina Kyle, donc Catwoman, qui sort de prison. Ooh. Des années après qu'il y a eu un gros drame à Gotham City où Batman est mort. Oh. Et où tout a un petit peu changé au niveau politique, tout ça, c'est un peu trouble. Et donc, elle sort de prison et en gros, elle est toute vieille, toute abîmée. Et elle va se retrouver des amis et remonter des coups un peu parce qu'elle est obligée de remonter des coups. Mais méchante. Non. Ah. Tu vois, ces trucs un peu troubles, en fait, parce que ceux qui sont censés être gentils, tu vois, la police, la mairie, etc., sont peut-être pas si gentils oui, que ça, et qu'elle, elle est obligée de rechausser le truc pour s'y remettre. Et du coup, un peu comme ils vont rechercher Ethan Hunt, ça m'a fait penser à ça. Et en plus, et vraiment, la BD est super. Okay. Elle n'est pas encore sortie en France, je crois. Mais et tu les trouves où ces BD qui sont pas... Mais je les lis en version originale. Je les commande sur les internets. Ou après, tu peux les trouver dans les librairies, de temps en temps, dans les librairies. À Toulouse, il y a une librairie où ils vendent les fascicules en version originale. Ah, d'accord, ok. Que tu peux avoir, genre une semaine après qu'ils soient sortis aux États-Unis. Ah ouais. Eh ouais. Enfin, ah, oui, il faut sortir donner les bons. Il faut donner les bonnes adresses. Bah, voilà, bah, c'est l'adresse, je ne sais plus, mais c'est à BD Ciné, à Toulouse. Ah d'accord, ouais, je vois en plus. Ah d'accord, voilà. Délire. Et tu peux même les commander en avance si tu sais qu'ils vont sortir. Waouh. Voilà, c'est peut-être un peu too much. Mais après, si t'as une série que tu suis régulièrement, t'aimes bien avoir tous les mois ton fascicule. Oui, oui, voilà. Oui. Et deuxième, du coup, c'est encore un comics en version originale qui, je pense, va être traduit en français et qui va être super bien. Ça s'appelle A Righteous Thirst for Vengeance. What? C'est traduit comment? Ça se traduit par une légitime soif de vengeance. Ah, ok. En gros. Ah, Righteous. Donc, une légitime soif de vengeance. Mm. C'est écrit par Rick Remender et dessiné par André Lima Araujo. Mmh. Bref, c'est super. Il y a très peu de texte, très peu de dialogue. C'est très visuel. Et c'est, comme son nom l'indique, un peu une histoire de vengeance, mais de vengeance par défaut, quoi. C'est un mec qui se retrouve embarqué dans des histoires de torture, de meurtre. Et en fait, il est tout le temps poursuivi par quelqu'un où il poursuit quelqu'un. Enfin, c'est assez compliqué à définir, mais c'est vraiment ce truc-là. C'est assez violent. C'est pas gore, mais c'est violent. Et c'est ça quoi, c'est un mec qui se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment, donc il se retrouve poursuivi, mais du coup pour s'en sortir il va poursuivre un autre gars et c'est assez angoissant et c'est hyper prenant, c'est vachement bien. Trop et, bien. T'as très peu de texte, très peu de dialogue, c'est par contre un découpage au dessin et au graphisme magnifique. Trop bien. C'est une expérience assez chouette que je vous conseille fortement. Merci. Je vais boire de l'eau maintenant pendant que tu fais ta recommandation. Alors, moi, j'avais envie de faire une recommandation, mais je l'ai déjà faite. Donc, c'est parce qu'ils vont à Rome, au Vatican. Ah. Donc, moi, je pense au pape. Donc, je pense au pape. Donc, je pense à ces magnifiques films. Ah, ouais, qu'il faut voir. Mais je le recommande. J'en pense à chaque saison. Non, il y a un film qui me... Mais c'est la deuxième fois, je crois. Je ne vais pas recommander ça. Bon, si vous l'avez pas vu. Ah oui, là, ça fait deux fois, maintenant, il faut le voir. Il faut le voir. D'ailleurs, la première fois, c'était avec Top Gun. Oui, c'était à cause du match de volley. Mais sinon, il y en avait deux que j'avais pensé. Une, c'était la série de Sorrentino qui s'appelle Young Pope. Ah oui, j'ai pas vu. Qui est trop bien. La saison 1 est vraiment géniale. Je croyais que tu détestais Sorrentino. J'aime pas. Mais la série, elle est bien. Okay. Je déteste pas. Il y a des films que j'ai aimés dans sa carrière. Après, là, il est un peu trop esthétique. Sur les derniers films, j'ai détesté. Ouais, ouais. Mais la série, les concepts de base, il est vraiment bien. Il est bien tourné. Et en fait, c'est un pape hyper jeune, hyper canon, qui est élu par un peu hasard, politique et tout ça. Et qui commence à prendre les pouvoirs à l'intérieur du Vatican. Il y a bien sûr les cardinaux qui a les pouvoirs depuis super longtemps. Et en fait, il fait tout un truc où il veut jamais se montrer. Il fait les papes qui comme les papes qui n'existent pas, tu vois. Oui. Et c'est vraiment brillant comment il est pensé et tout. Après, toutes les saisons, je dirais pas toutes. Après, moi, j'ai arrêté en cours de route. On m'a dit qu'elle est très bien par la suite. Mais la première saison, elle est vraiment chouette. Et ce personnage, il est assez cool à voir. Ok, cool. Ça va. Et après... deuxième recommandation. Deuxième recommandation, c'est parce qu'il y a un acteur dans les films qu'on n'a pas suffisamment cité. Le... Mince, je ne me rappelle déjà plus son nom. Musgrave? Non. Non, non, non, non, les dents. Ah, Eddie Marsan. Marsan. Eddie Marsan, qui est le bras droit de Owen Davian. Qu'on voit deux secondes. Fois, qui est un copain de Simon Pegg, qui a joué dans... Et oui, le dernier bar avant la fin du monde. Et moi, j'avais vu un film avec lui qui s'appelait Une belle fin. Tu l'avais vu, ces films? Ah non, ça ne me dit rien. Bon, c'est Glaucos. Mais c'est un mec qui travaille, en fait, je ne sais pas trop, dans un bureau où il cherche. En fait, il reçoit les dossiers de tous les gens qui sont morts et qui n'ont pas de proches. Mmh. Qui vient... Et du coup, il cherche les proches des gens morts. Bah, enfin... pas forcément les héritiers, mais même, tu vois, si c'est pas la famille, parce qu'ils ont pas des familles très clairement, tu vois, ils essaient de voir s'ils trouvent des gens pour leur annoncer qui sont morts et tout ça. Et qu'en fait, qu'il y a un mec, et les mecs, ils jouent vraiment très bien, donc c'est. Et c'est un mec qui est hyper timide, dans sa vie, qui va toujours à ses enterrements où il y a personne, c'est la seule personne qui. Non, mais c'est méga, c'est dur, c'est hyper dur. Mais je trouvais les concepts chouettes. Ah, cool. Et ça m'avait plu à l'époque, mais ça te fait chialer. Hein. Ah, yes. Voilà. Cool. Voilà, une belle fin. Et ben voilà, plein de recommandations aujourd'hui. Voilà. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. C'est ça? Oui, je crois. Avec... Pour le prochain film qui est, si je dis pas de bêtises, ça doit être Lion et Agneau, le film de Robert Redford, je crois, Lions and Lambs. Ça regarde si tu veux. C'est ça, c'est celui-là, je sais, on est des fois on est un peu perdu, mais je crois que c'est celui-là. C'est ça ou Tonnerre sous les Tropiques, je ne sais plus. Mais c'est Lion, je crois alors. En tout cas, les prochains films, c'est Lions and Lambs, Tonnerre sous les Tropiques et Valkyrie. Dans quel ordre, je ne sais plus, mais c'est ça. Et ça, c'est les prochains épisodes qui vont vous mener jusqu'à la fin de la saison des années 2000, les années de la tristesse, enfin du très haut et du très bas. On commence très haut et finit très très bas. Ah ouais, là on attaque la descente. Hein. Ouais, c'est un peu violent. D'ici là, vous pouvez écouter tous les anciens épisodes, les faire passer pour faire écouter à d'autres gens, parler de nous. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. On est @cruzometer sur Twitter et Instagram. On a un site internet, c'est cruzecontrol.card.co, c-a-2-r-d.co. On est sur le catalogue de PodCloud parce qu'on est hébergé par PodCloud, qui sont un assaut d'hébergeurs à Toulouse qui sont super cool. Et trop qui font cool. De la qualidad. Haute qualidad. Et puis voilà, donc on se dit à dans 2 semaines. Regardez. Avec Lion et Agneau. Avec Lion et Agneau. Ah, et après, c'est Valkyrie. Ah, ouais, mais du coup, j'ai interverti encore des trucs. Bon, bref. Et Agneau. On se retrouve et on vous fait d'ici là des bisous. Bisous. Get it, rolled up then, lit it, smoked a little but don't admit it, do it like I did too late, I did it, the controversy can't worse me, man, I'm eating but I'm still thirsty, and thirsty, what is you saying, I got into it with a couple of niggas last Thursday, man, why the hell is I'm worrying, I've been at the Benz at the perfect 10, man, your life must be perfect, man, look at how they came up with the perfect plan, it's impossible, got strip clubs playing gospel, flow so sick in the hospital, you know I jab out like Pac a do, you know you throw your diamonds when I rock with you, since Michael Jackson made rock with you. I think this shit's unlogical. Maybe because you did the impossible. Maybe you really did the impossible. Impossible to get it. That's so impossible to get it.